mwen mwen doudou Te pou mwen koti soleil la Ki kele men levan matan An tan pleni ti li Dini pi kwen li mwen ti doudou Mwen bizwe mwou kade mwen sa Me pou mwen yo ke fa pou mwou bli ho Mwen fa pou bli ansan Et puis je à moi qu'à garder Moi ça prie en téléphone